Food Découverte. C'est fou, 89 ans. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Charles-Antoine Rioux nous soufflera sa chronique littéraire du club UQTR et on mangera ou boira de la malbouffe en s'assumant pleinement avec une grosse pointe d'allresse. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 7 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello. Hola. Salut. How you doing? Ah non, pas en anglais, là. Ah non, OK. Tu pourrais être malaisé. Comment allez-vous, madame? Ça va bien. J'ai commencé à faire de l'exercice avec mon micro. Oui, c'est left base. Je trouve ça quand même efficace. Sur des épaules, ça. Bon, oui, si tu veux. Continue de te dire ça, que ça va changer quelque chose. Voyons. Tu penses que j'étais un cas désespéré? Non, c'est que c'est le seul exercice qu'on fait dans la journée. Oui. Bon. Non, parle pour toi! Ben, c'est ça, moi, ça ressemble à ça pas mal. Donc, aujourd'hui, l'émission, Steph, petit plan quand même assez convaincant, je dirais, ça a l'air okay, vrai. OK. Ouais, ouais. On va voir Charles-Antoine Rioux à 8h avec ses collègues Club Plein Air et QTR. À date, ça me convient. À date, on y croit. On va faire. À trois heures. On va faire la chronique, sa plus simple expression, à 9h. Ben oui. Mm-hmm. Mais je suis tellement prête. Oui, sur la thématique dont on se le dira tantôt, parce qu'on veut se garder les punchs pour la fin. Oui, mm-hmm. Ben, je peux te donner peut-être... Non, tu t'en savoiras-tu pas? Non, une graine d'indice. Une graine? Ouais, insère une graine d'indice. Non, ben, je vais laisser faire, là. OK, bon. Tu vas deviner, sinon. OK. Et autour de ça, nos chroniques, en tout cas, mes chroniques, ça, c'est une chronique maison aussi, ta chronique. On va faire une grosse pointe à l'adresse à la fin de l'émission, c'est-à-dire qu'on mange une malbouffe malsaine. Une malbouffe malsaine une malbouffe en malsaine. Plus? Ah oui! Les deux. Wow. Les deux. Tout en parlant des nouvelles du fast-food dans le monde entier. Mm-hmm. On a aussi Écoutons la dernière chanson qu'on va faire tantôt et Arrête avec tes questions de retour. Hein? Oui. Mais les deux, ça fait super longtemps, là. Les deux, ça fait vraiment. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le genre de choses que, tu sais, en début de session, tu sais, ça te tente pas de commencer à travailler là-dessus. Puis, apparemment que j'ai fait ça. Je pense que tout le monde va être content. Ouais, je pense que oui. Mais pour l'instant, on va commencer en musique avec Elephant Stone. Hey. Ça part bien. Je te gâte, hein? Voici Motherless Child, The Love's Not For War, à Assemblage requis. We'll be right back. C'était Elephant Stone et Motherless Child Loves Not For War à Assemblage Requis. Maintenant, c'est fini, tu vas devoir ouvrir grand tes oreilles parce que c'est le quiz musical. Écoutons-la donc, la chanson. C'est écoutons-la dans la chanson où je te propose, Stéphanie, trois pièces différentes. Uh-huh. OK, différentes. Les unes des autres, ouais. Et tu dois deviner le lien qui les relie. Hey, ça, c'est dur, là. C'est difficile. C'est parce qu'il est 7h39 environ. Et c'est pour ça que je t'ai laissé vraiment beaucoup de temps depuis la dernière fois qu'on a fait cette chronique-là, pour que tu aies le temps de vraiment prendre une pause entre les deux. De c'est réparer tellement... mon cerveau. C'est épuisant, c'est ça. Réparer les pots cassés, comme on pourrait dire. Donc, je vais te proposer plus tard une chanson de Camionnette ainsi qu'une autre de Hot Hot Heat. Mais commençons à l'instant avec Philippe B. Et tu devines le thème, on en reparle après. Écoutons là-dedans la chanson. Cheveux courts ou cheveux longs, cheveux noirs ou cheveux blancs, queue de cheval ou en chignon, coupe longueuil ou champignon, je l'aime de toute façon. De toute façon, dans la chambre ou au salon, robe du soir ou pantalon, à Hochelag, à Outremont, Saint-Laurent ou Jean Talon, je l'aime de toute façon. En Jeanne d'Arc ou en Suzanne Valadon, Amélia dans son avion, en Juliette au balcon, dans chacune de ses saisons, sous toutes les déclinaisons, je l'aime de toute façon, cheveux courts ou cheveux longs. Je C'était le bloc. Écoutons là dans la chanson d'Assemblage requis. Stéphanie, tu vas devoir deviner le lien. Est-ce que tu veux que je te donne le nom des chansons? Ok, vas-y, vas-y. On va commencer avec la pièce Cheveux courts, cheveux longs sur l'album Ornithologie à nuit de Philippe B. Ensuite, Cheveux longs de la formation Les Camionnettes. L'album s'appelle Jouer dans les airs. Et finalement, Haircut Economics par Hot Hot Heat sur l'album Scenes 1 through 13. Ok. Si je regarde ça, moi, je vois ça comme un message subliminal que tu nous envoies aux deux. Qu'on est vraiment dû pour aller se faire couper les cheveux? Ah oui, toi, c'est clair qu'une fille aux cheveux longs, c'est tout le temps dû pour se faire couper les cheveux, puis que ça paraisse pas partout quand tu t'es fait couper, puis qu'il faut qu'on commente, puis sinon on se fait dire, hey, t'as pas remarqué ma coupe de cheveux. C'est les filles que ça fait dans la vie, non? C'est mon expérience, en tout cas. Moi, je trouve ça un petit peu très désagréable de me faire dire ça, parce que c'est tellement pas mon genre, déjà, que je vais me faire couper les cheveux même pas une fois par année. C'est vrai que c'est pas ton genre, mais c'est le genre de ben des filles que je côtoie dans la vie. Change de côtoiement, oui. Parce que c'est pas agréable. Ah, t'as raison. Toi, c'est lettre, par exemple, toi, tu serais vraiment dû. Oui, ben c'est ça. C'est juste un message envers moi, je pense. Hein. Si c'est un message envers quelqu'un, c'est un message envers moi. Mais non, ce n'est pas le lien d'aujourd'hui, Steph. Oh. Je trouve que t'es vraiment allé premier degré. Vraiment, c'est facile. Non, c'était plutôt, évidemment, chaud, chaleur, hot, hot, heat. Hein, c'est une question de chaleur, OK? D'air, si on pourrait dire, l'air chaud, des fois par moment. Camionnette, l'album s'appelle Jouer dans les airs. Air, de l'air chaud, les courants d'air, etc. Ornithologie. C'est les oiseaux qui vont dans les airs. C'est les oiseaux qui vont dans les airs. Tu vois, tu l'as eu avant que je te Mathieu, le dise. Quoi? Je te l'ai pas dit parce que je voulais te laisser ton punch parce que c'était aussi évident que l'autre. Tabarnouche! Ouais. Je voulais pas t'insulter, tu sais. Merci, mais c'est le lien, secondaire, caché derrière. Ouais. Même pas besoin d'écouter les tunes. Avec une petite couche, non, c'est ça, exact. T'es pas plus forcé que moi, là. Hey! T'insultant, ça, mon gars. Tu viens de m'insulter, je vais t'insulter moi aussi. T'es même pas insulté, en plus, je trouve. Moi, je trouve que oui. OK, ben, désolé. Tu m'as comme généralisé. Non, non, j'ai généralisé envers les filles et toi, tu te l'as approprié comme une insulte. Ben oui, mais tu me regardes. Ben oui. Hey, OK, excuse-moi, je vais faire de la radio vers la fenêtre. Ouais, bonne idée. Regarde dehors. Ah, t'es droit. Donc, c'était Écoutons maintenant la chanson, le quiz musical qu'on fait à Assemblage Requis une fois de temps en temps. Oui. Slash jamais. Puis, Caroline, j'ai même pas réussi. Non. Moi non plus, apparemment. Donc, si vous avez une meilleure idée à la maison. 819-376-5183, clairement. Exactement. Ou sur assemblagerequis.com. On prend les suggestions pour un meilleur lien entre ces trois chansons-là. Okay. Maintenant qu'on a un petit peu de lousse avant la prochaine demi-heure de l'émission, on va transitionner avec notre chronique qu'on aime faire parce que des fois, on parle de choses intéressantes dedans. C'est ça comme ça. Voici son foutu palmarès. Ils sont foutus, palmarès. C'est la chronique où on s'en va promener tout le long. Non, c'est pas ça. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Par exemple, aujourd'hui, hein, c'est une liste de frites. Une liste de frites? Une liste de frites à travers une le monde. Une belle liste d'épicerie, ça? Ouais, un peu comme un oiseau dans les airs chauds viendrait piquer une frite dans notre assiette de la connaissance. Ok, ok, bon. ouais. Donc, des frites à travers le monde, c'est super simple comme palmarès, vous allez me dire. Les Américains, pardon, dans le temps, c'était les seuls à manger des patates. Mais ensuite, Christophe Colomb est arrivé, okay, et les patates se sont éparpillées un peu partout dans le monde. Hein? Food fight. Et les gens mangent les frites de façon différente, peu importe où on est. Pas toutes pareilles, mais souvent, on va juste dire des frites. Comparé, mettons, aux Américains qui vont dire des frites françaises, des french fries. Uh-huh. D'habitude, c'est juste des frites. Donc, on va parler des différentes cultures de frites. Par exemple, commençons en Belgique, qui est considérée comme l'endroit où est née la patate frite. Hein. Les frites belges sont souvent le centre d'un repas et non un à côté. Là-bas, ça va être le plat principal comme des frites. Comme la poutine. Un peu comme la poutine. Donc, les chefs belges sont souvent très, très fiers de leurs frites. Ils ont même des compétitions pour servir les meilleures frites dans leurs chip shops, ce qu'on appelle frites cotton. Hein? Elles sont servies dans un carton. Elles sont servies donc chaudes dans un carton, un cône, pour que ce soit plus facile de les transporter de place en place. Et il y a une variété de sauces qui sont offertes pour mettre dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon, on dirait, de servir des frites. Je comprends pas comment ça fait qu'on n'a pas encore adapté ça. C'est tellement plus pratique. Un cornet, ça se traîne bien, tu sais? C'est bon, André, je trouve pas ça pratique. J'aime pas la poigne que ça amène. La poigne! Puis en plus, quand t'as ta sauce sur le dessus, ben, les premières frites sur le dessus sont pleines de sauce, puis celles en dessous, ils en ont pas. Sûrement, puis j'imagine que le cône, il doit avoir un trou en dessous qui doit faire à un moment donné que la sauce finisse par sortir. Un peu comme dans un cornet, tu peux pas garder la crème glacée tout le temps à l'intérieur, à moins d'avoir une pépite. Il faut que tu siphonnes la sauce en dessous, comme tu fais avec la crème glacée qu'ils font. Ah oui! T'as vu à côté aussi, il y a un petit rack à saucisses en plastique? Ouais, une grosse saucisse brune. C'est parce que j'imagine que les frites, vu que c'est le repas principal, ta saucisse est à côté. Comparé à ici, la saucisse le propre. Ouais, exact. En tout cas, ça a l'air bon. Puis je sais pas ce qu'il y a sur ces frites. Je sais pas si c'est de la mayonnaise. D'après moi, ça ressemble à de la mayonnaise. Sûrement pas de la crème fouettée. Hein? Bah, c'est encore drôle. Ça pourrait être drôle, on sait pas. Mais une petite sauce, puis de la mayonnaise sur son cône de frites. Il y a une petite sauce brunante aussi à côté. Oui. Puis elle a l'air. Tu trouves pas qu'elle a l'air un petit peu liquide, cette sauce-là. Donc je pense que ça pourrait être un très bon combo. Non, moi, je trouve qu'elle a l'air sirupeuse. Sirupeuse. Je suis sûr qu'elle est sucrée. Elle a l'air collante. Elle a l'air bonne, en tout cas. Ensuite, on s'en va aux Pays-Bas. Les frites aux Pays-Bas sont cuites de la même façon que les frites belges. Par contre, les Américains pourraient avoir de la difficulté avec leur choix de condiments. Les Américains sont pas très, très mayonnaise, apparemment, sur leurs frites. Moi, j'ai découvert la mayonnaise récemment avec les frites. C'est-tu bon, hein? Ben oui. Vraiment. Exactement. On s'y attend pas. On dirait, ben, tu sais, on est habitué aux petites mayonnaises fancy dans les restaurants où ils servent des frites un petit peu plus haute de gamme. Moi, c'est ça. Pourquoi haute de gamme? Je sais pas. Et c'est haute de gamme. Mais ça, c'est quand tu joues du piano, mais juste dans une note haute. Mais non, c'est très bon avec la mayonnaise bien, bien simple. Mais pas de la Miracle Whip. C'est pas de la mayonnaise. C'est de la sauce à salade. Exact. Revenons donc aux Pays-Bas. La mayonnaise, là-bas, est un petit peu plus épicée que la mayonnaise américaine qu'on connaît ici. Et les Américains qui ont vécu là-bas se sont habitués à la saveur. Et maintenant, il y en a qui sont devenus obsédés par ces mayonnaises-là. Donc, ça en commande sur Internet. Je comprends. OK. Ensuite, on s'en va en France. En France, même s'il y a une variété de sauces et de trempettes qui sont disponibles pour les pommes frites qu'on appelle là-bas. Excuse-tu moi ou c'est la pire assiette qu'il aurait pu prendre en photo? C'est un peu... Ouais, c'est même... repoussant par moment, je pense. C'est comme une grosse iceberg tranchée avec beaucoup trop de sauce dessus. Genre mille îles, si on veut. Des frites pâles et croches. Puis avec une frite qui est sa salade en plus. Mais oui, c'est mal placé. C'est une espèce de... c'est quoi le sachet des rimoulades en dessous? Je sais pas. Puis c'est quoi en haut? C'est une viande, c'est un poisson, on sait pas trop. Un poisson pané ou un poulet pané. Plus un poulet. On dirait vraiment une assiette de cafétéria, on va se le dire. Cafétéria bas de gamme. Ouais. Basse de gamme. On les salue basse de gamme. On les salue la cafétéria basse de gamme du coin. Donc les pommes frites, oui, comme on les appelle en France. Il y a la rimoulade qui est très très populaire. Je pense que c'était ce qu'il y avait sur la photo, la rimoulade. Hein? Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est ce qu'on présente, qui est une base de mayonnaise avec, en plus de ça, des cornichons, du réfort, du curry, des anchois et d'autres saveurs. Et ça, mélangé ensemble, ça donne de la rémoulade. C'était développé pour être utilisé sur des fruits de mer, un peu comme la sauce tartare, mais c'est utilisé dans une variété de plats. La saveur et l'apparence de la rémoulade peut varier par région. Ben, ça doit pas être la plus belle, certain, ça. Celle-là, non. Moi, je connaissais absolument pas la rémoulade. Je connaissais le nom, j'avais aucune idée c'était quoi, honnêtement. Non. Je sais pas, mais moi, dans ma tête, rémoulade, j'avais l'impression que c'est du couscous. Ah. Parce que c'est comme, tu sais, c'est rémoulé. Moulu, ouais, c'est comme ouais, base de gamme. On dirait que ça roule. Moi, dans ma tête, c'était du couscous. On se crée des histoires un peu dans nos têtes. On va au Japon, maintenant. Au Japon. Dans les fast-foods, là-bas, les fries, donc les frites qu'on appelle les fried potato, hein, sont offertes avec des poudres d'assaisonnement à ajouter sur le dessus de ces frites. Donc, les garnitures sont disponibles dans une variété de saveurs, faites avec du soya séché ou encore d'autres sauces, des grains moulus et des algues, ainsi que des mélanges d'épices. Il y a quelques fast-foods qui vont fournir un sac, on l'a déjà parlé dans une chronique, une grosse pointe en dresse. Chaka-cha-potato. Les chaka-cha-potato, où on met ses frites dans un sac et on se shake la poche. Donc, cette habitude-là est aussi disponible à Hong Kong, à Singapour et à d'autres endroits asiatiques où les frites sont vendues dans des fast-foods. On passe aux Philippines maintenant, où les patates frites aux Philippines sont servies avec du ketchup aux bananes. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, les patates frites ont été introduites dans ce pays-là par les Américains, comme on l'a dit au départ de la chronique, mais servies avec ils étaient servis à l'époque avec du ketchup aux tomates. Par contre, ils ont manqué d'ingrédients, parce que dans le fond, il y a eu un manque de tomates pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la place de survivre sans sauce, là, on s'entend que ce serait quand même pas facile de vivre sans ce ketchup-là. Les Philippins, Philippino, Philippialou, les Philippins à loup. Donc, on utilisait ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des bananes. Les bananes étaient pilées avec du vinaigre, du sucre et des épices, fait à partir de substituts de ketchup. Ça donnait à la fin un substitut de ketchup, voilà, qui est devenu populaire et qui est encore utilisé aujourd'hui. Pourquoi importer des tomates quand t'en as dans ton pays et que c'est même ta fierté nationale? Bref, le ketchup au banal est utilisé dans d'autres nourritures aussi, comme le poulet, pas dans d'autres nourritures, mais sur d'autres nourritures comme le poulet et le spaghetti. Ceux qui ont goûté au ketchup aux bananes disent que c'est sucré et épicé et que ça goûte absolument pas les bananes. On pourrait être déçu peut-être un petit peu là-dessus. La couleur rouge est complètement artificielle, mais on peut faire du ketchup aux bananes maison sans la couleur rouge si on le désire. Et il y a un lien vers une recette sur assemblagejockey.com. Click right now. Et on fera peut-être une chronique avec du ketchup aux bananes un jour, Steph. Ah, elle est jaune. Et jaune à l'origine. Ça semble beaucoup plus normal. Plus logique un peu, hein. Mais bon, c'était un remplacement du ketchup. Donc est-ce que les ingrédients t'intéressent? Oui, vas-y. Ben oui, mais ça m'intéresse. Écoute, ça commence quand même bien parce que tu as de l'huile d'arachide. Okay. Ça, on aime ça, de l'huile d'arachide. Ensuite, t'as un petit oignon finement chopé, finement haché. Ensuite, deux gousses d'ail émincées, du jalapeno, un petit jalapeno. Ensuite, du gingembre. Ça, j'ai oublié. Turmeric, j'ai oublié c'était quoi. Ah, ouais. Curcuma, ça se peut-tu? Non, ça doit être... Ça se peut. Un peu. Je te le trouve pendant que tu continues. Non, ensuite, du allspice. Mais là, on parle pas du... du old spice. Miam. C'est du curcuma, t'avais raison. Bon, curcuma. Hey, je suis quand même pas pire. Ouais. Ensuite, 4 bananes mûres, grosses 4 bananes mûres, du vinaigre, du eau, du rhum, du miel, de la pâte de tomate, de la sauce soya, du sel, puis un peu d'eau. J'ai jamais vu autant d'ingrédients, on dirait, dans une trempette, mais waouh, wow, ça a l'air bon. Une trempette, c'est du ketchup. Ben, c'est quoi? C'est pas une trempette, du ketchup, non? C'est pas pareil. Une sauce, un condiment. Ouais, c'est un condiment, c'est parfait. Ça. Hey, j'ai vraiment le goût d'essayer ça, là. Good. On passe au Canada, toujours dans la liste des frites autour du monde. Au Canada, waouh, là, je vais vraiment vous apprendre des choses. Attention, ouvrez grand les oreilles. En 1957, le chef canadien-français Fernand Lachance a pris des frites et a fait un mélange qui appelle la poutine. Attention, là, il y a du monde qui vont se battre. Là. Que c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre dans telle ville, nanana. Mais ces frites chaudes-là sont garnies, attention, okay, de sauce et de bouts de fromage. Okay? Mmh. Tout ça servi tellement chaud que ça va fondre. La poutine est donc devenue un succès. Même le plat en dessous. Même le plat. Donc la poutine est devenue un succès et ça s'est éparpillé un petit peu partout dans le Canada. Maintenant, il y en a dans le Canada anglais, évidemment, surtout pour les Québécois qui vont, j'imagine, tout demander de la poutine puis qu'il n'y en a pas. Fait que ils ont commencé à en faire. Les Canadiens anglais que j'ai vus, par exemple, à l'école internationale de français, capotent parce qu'ils peuvent enfin goûter de la poutine. Fait que ça ne doit pas être si répandu que ça. C'est qu'ils peuvent enfin peut-être goûter de la vraie poutine parce qu'au Canada anglais, souvent, la poutine, ça va être avec du fromage râpé, exactement, c'est le mot. Et ça, c'est pas la même chose. C'est vrai que le fromage en grains, c'est québécois, ça aussi, oui. Si je me trompe pas. Exact. Et ça, il y en a pas de disponible ailleurs, souvent, sauf importation. Donc, mais voyons donc comment ils font pour vivre sans fromage en gras. Ah, ben, on va leur demander. Donc, il y a des festivals de la poutine à Ottawa. Et je sais que c'est festival, ok. Ottawa, parce qu'à chaque fois, je l'ai dit, peut-être quelqu'un me reprend. Ottawa, Toronto, Vancouver, Fredericton, Drummondville et même Chicago ont des festivals de la poutine. Est-ce qu'on fait la tournée? Road trip right now. Même si c'est pas à date maintenant, on va aller habiter à chaque ville pendant six mois. Jusqu'à ce que ça arrive. C'est ça. On va au Royaume-Uni maintenant, en Grande-Bretagne. Évidemment, on a déjà mentionné ça dans une précédente chronique, que les frites s'appellent les chips là-bas. Hein? Oui, oui. C'est pour ça. Pour le fameux chips and chips. Fish and chips, oui. Chips and fish. Oui, parce que la côté devient le plus principal. Non, mais c'est ça. Les frites s'appellent des chips et les chips, comme on les appelle ici, les croustilles, s'appellent des crisps là-bas. Bon. Oui, c'est fendant. C'est fendant un petit peu. Les chips... Donc, les frites sont traditionnellement mangées avec un tout petit peu de vinaigre de malt et ensuite du sel par-dessus. Important. Ben oui. Par-dessus, pas en dessous. Hein? Donc, les boutiques, les restaurants de frites qui les servaient dans le temps sur des papiers journaux à la place de serviettes, d'assiettes de carton. Et on utilisait souvent le journal du jour même à la place de boîtes ou d'assiettes. Comme un article récent le mentionne, il y a des différences régionales et des traditions plus récentes avec des croustilles, pas des croustilles, des frites. Ah, c'est mêlant. Ouais, c'est un peu mêlant. au curry, à cause des influences indiennes sur la nourriture britannique. Ça, ça a l'air vraiment bon. Et certains vont préférer le vinaigre pas de malt, hein? Genre juste du vinaigre normal. Je pourrais pas dire c'est quoi la différence. Non, moi non plus. Au goût, j'ai aucune idée. Et sinon, de la sauce HP, de la sauce à steak. La petite sauce en bouteille de vitre. Ah. Bon, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais c'est quand même comme ça que ça se passe un peu en Grande-Bretagne. On revient pour terminer aux États-Unis, où la façon la plus commune, la plus répandue de manger des frites aux États-Unis, c'est avec du ketchup. Mm-hmm. Hein? Même si c'est souvent parce que les restaurants n'offrent pas d'autres options. C'est la seule option. Sinon, des fois, peut-être demander de la mayonnaise, mais comme on l'a dit tantôt, les Américains ne sont pas friands de mayonnaise sur leurs frites, les pauvres. Il y a plusieurs autres garnitures, entre autres le fromage. Ils font beaucoup des chili cheese fries aux États-Unis. C'est très, très, très répandu. Ça ressemble vraiment beaucoup à de la poutine, mais ça n'en est pas. Sinon, il y a de la sauce piquante qu'on utilise, de la sauce barbecue, des oignons, de la vinaigrette ranch, qu'on appelle des fois en France, entre autres, de la vinaigrette américaine. Eux, en France, ils disent pas ranch, hein, ils disent américaine. C'est comme ça. Et des sauces utilisées dans d'autres pays aussi sont répandues. Par contre, au restaurant, ils vont devoir payer un extra pour les avoir. Ça devrait être disponible. Tu devrais avoir le choix de ta sauce. Ben, mais hein, liberté, hein? Bon. Libérer les sauces! Free the sauces! Comme Maître Flas nous dit en faisant la recherche sur d'autres pays. Donc, il y a plusieurs généralités qui revenaient. Les critiques culinaires et les chefs sont d'accord que les meilleures frites sont cuites deux fois. On les fait frire à une température plus faible, on les fait bouillir pour que les patates donc, deviennent plus tendres, et ensuite on les fait frire à une plus haute température pour que l'extérieur devienne croquant. Et la plupart sont d'accord aussi que le gras d'animal fait de meilleures frites plus goûteuses que de l'huile végétale. Oui, je sais pas si t'as déjà goûté aux frites dans le gras d'ouest, le gras de canard, ces affaires-là. Non, mais j'en veux. Mais voyons donc. Où ça? En fait, moi, la seule fois que j'avais goûté à ça, c'était aux délices d'automne. Mais souvent, dans les petits trucs de festivals comme ça, là, t'as souvent des frites cuites dans du gras animal. Ah, que ça a l'air délicieux. C'était le palmarès des listes de frites dans le monde. Si tu fais cuire ton bacon, tu peux garder ton gras de bacon pour ensuite te faire des frites dedans. OK. Wow. tu viens de me faire exploser une partie du cerveau que je pensais pas avoir. Génial, merci Steph. Donc, son foutu palmarès, voilà, pour cette fois-ci. On prend une pause. Au retour, on a Charles-Antoine Rioux qui s'en vient avec ses collègues plein air du club plein air UQT. Hey! Restez là! Fou de diversité. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on se toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, on va continuer finalement son foutu palmarès. On va faire une autre liste sur un sujet connexe à ce qu'on a discuté tantôt. Ça se met dans la bouche, mais c'est des festivals de nourriture qu'on pourrait peut-être visiter après les festivals de la poutine. Hein? Mais avant ça, on s'en va entendre Philippe Braque, notre bon ami, qui vit dans ma tête. Tu l'as pas fait jouer tantôt, Philippe B? Ah non, ça c'est Philippe Braque, c'est pas loin. Ah, bon point parce que tu m'as vraiment fait me poser la question. C'est pas mal ça. Hein? Je m'excuse. Mais non. On est bien dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est bien dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute, mais asti qu'on est bien dans ma tête. Y'a juste une chaise pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand j'prends la statique. J'veux pas finir comme mon vieux père dans un asile à chercher mon air. Pourtant c'est plus facile. J'serai jamais tout seul sur mon île. Entouré par une bande d'avoriens qui aiment ça pleurer pour rien. On est bas dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est bas dans ma tête. Des fois il peut manquer un boulon. Des fois on fait juste ce qui nous tente. Des fois on est continuellement con sur le double fait de 40. Dingo! On rappelle que ce n'est pas une carte pleine. On joue seulement dans les quatre coins. Seulement les coins. On reste un coin. J'avoue c'est difficile. J'suis pris dans le piège, j'suis vieux scellé. Encerclé par une bande d'historiens qui aiment ça me rappeler pour rien. Comme une fleur de tournesol. Ben quoi c'est rare que j'encule mon arbre ou que je parle le nord de ma boussole. Non non non non non, dis-y pas hein, hein. On a tout du fun en gang. Ne mettez-moi pas en tabarnak. J'pourrais retomber sa mauvaise trace. Philippe Braque. Oui, dans ma tête. Ouais. Mais pas dans la mienne, non, mais dans la nôtre. Dans, communément appelé nos têtes. On est en train de discuter de frites avec Danny Janvier du Dîner de con. Et d'ailleurs, Danny Janvier qui va recevoir Philippe Braque, qu'on vient d'entendre ce midi entre 11h et 13h. T'es-tu sérieux? Ici même, assez fou, je te jure. Il faudrait vraiment être moron pour manquer ça. Méchante gag de Taouin, sérieux, si je manquais ça. Ah, en tout cas, on dit ça de même. On était dans son foutu palmarès. Tu joues bien. Merci beaucoup. On continue dans la même lignée que tantôt. Tantôt, on a parlé de frites. On a dit que les frites, ça s'adaptait un petit peu partout dans le monde de différentes façons. Il y a 11 festivals, hein? OK. Des festivals de nourriture qu'on pourrait visiter en voiture, un long road trip à travers les États-Unis. Ah, cool! Oui. Ouais, commençons avec le Gillery Garlic Festival de Gilroy en Californie. Cette année, c'était le 36e festival annuel Gillery Garlic Festival qui est célébré annuellement, hein, on se comprend, pendant la dernière fin de semaine du mois de juillet. Il y a des douzaines de kiosques sur ce qu'on appelle la Gourmet Alley et ça montre la versatilité de l'ail. Hein, il y a de la crème glacée à l'ail. Ah. Est-ce que tu essaierais de la crème glacée à l'ail? Ben oui! Tu peux me proposer quelque chose de nouveau à goûter, c'est sûr que j'y goûte, ouais. Peu importe c'est quoi. Là. Je suis pareil, l'amateur de la nouveauté. Hein? Ensuite, Pennsylvania Bacon Festival à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ça semble intéressant. Oh, ça, je pense que c'est pour tout le monde. Sauf pour. T'as vu, comme tout le monde a partagé la photo, est-ce que tu l'as vu celle-là? C'est genre, il y en a qui ne mangent pas de bacon pour des raisons religieuses. Moi, je n'aime pas la religion pour des raisons de bacon. Genre. c'est tout à fait génial. C'était la première célébration de ce produit de la viande qui, en fait, on est quoi le 7 octobre? Oui, c'est l'été. Ça a commencé le 4 octobre. J'imagine que ça peut être lieu. C'est encore là, là? Il faudrait voir. On est présentement en train de manquer le festival de la bacon. De la bacon? De la bacon, ouais. On appelle ça de même en Gaspésie, je pense, de la bacon. Le 4 octobre, c'était samedi. D'après moi, ça devait être samedi-dimanche. D'après moi. On est mardi, ça doit être fini. Mais bon. Donc, le festival qui promet non seulement un paquet de plats basés sur le bacon, bien sûr, mais aussi des concours de mangeux de bacon, hein, et bacon-off. Où les participants compétitionnent pour créer l'entrée, le dessert ou peu importe le plat qui a l'air le plus bacon-licieux, tu comprends ça? Oh. Bacon-licious. C'est le Pennsylvania Bacon Festival en Pennsylvanie. Ensuite, le Barnesville Potato Days Festival de Barnesville dans le Minnesota. Ça poursuit bien le road trip. Ben, tout à fait. Hein? Donc, la patate, bien sûr, la solitaire patate qui reçoit tous les honneurs pendant cette célébration de deux jours qui date des années 30. À chaque année, 20 000 fans de patate vont se rendre dans cette ville-là qui a une riche histoire historique de production de patates. Donc, on participe à des concours de cueillette de patates, le pelage de patates, le pilage de patates, la sculpture sur patates et bien sûr, manger les patates pilées. On finit par manger tout ça, là, tout ce qui était taponné par tout le monde de même. On peut-tu éplucher notre propre patate, mettons? Bonne question. Est-ce qu'on peut faire des patates avec les pieds aussi? Est-ce qu'il y a plein de façons, j'imagine, de rendre des patates moelleuses en purée? Ouais. Je sais pas s'il y a une différence dans le goût. Le Giant. Ça dépend. Ça, des oignons au pied, ça donne du goût. Ou des oignons! Ou des champignons au pied. C'est parfait, ça. C'est over. Ouais, over. Trop. On dépasse les limites. On vous avait donné faim jusqu'à présent. Et finalement, on annule ça. C'est une bonne chose. Ouais, ça s'équivaut. Hein? Plus un moyen, ça fait zéro. Là, on va repartir à avoir faim. On recommence avec le Giant Omelette Celebration à Abbeville, en Louisiane. Donc, on parle ici de la fabrication de grosses, gigantesques patates. Et l'art de ça date du règne de Napoléon, nous dit-on. Le général aimait tellement ce plat, après qu'on lui ait servi ça à Bessières, en France, qu'il a demandé, en fait, à tout le monde d'amener tous les œufs de la ville. Ils ont utilisé ça pour faire une gigantesque omelette pour que toute son armée puisse se nourrir. Et depuis ce temps-là, il y a un nombre incroyable de villes partout dans le monde qui ont repris la tradition de faire des gigantesques omelettes. Et en 1985, Abbeville a joint les troupes. Et les festivités de cette année, qui sont prévues pour les 1er et 2 novembre, devraient inclure environ 5000 œufs. Wow! 5000. Ça en fait des gens. Et cette semaine, on est allé bruncher avec ma sœur, là, salut. Et il y avait l'offre de prendre des œufs bénédictines avec un œuf, deux œufs ou trois œufs. J'ai pris trois œufs, évidemment, parce que je suis un maudit cochon. Mais j'avais pas réalisé que ça vient avec trois petits muffins anglais ce soir-là. Puis finalement, c'est pas mal, c'est ben trop long à manger. Ben oui, avec ben la sauce, puis tout. Ouais, là. C'est pas juste un troisième œuf. Pensez-y. ensuite. c'était vraiment personnel. Les Vandy Awards de New York, Philadelphie, Nouvelle-Orléans, Los Angeles et Chicago. Il y en a beaucoup. Les Vandy Awards, c'est présentement la 20e année des Vandy Awards et c'est un forum où on peut compétitionner dans le fond pour le prix de meilleure nourriture de rue. Les petits kiosques, les petits camions. Hein? Les food trucks. Les food trucks, hashtag food trucks. Donc, pendant l'année, un sondage en ligne va encourager les gens des villes à nominer leurs sources préférées de nourriture de rue. Et ensuite, une fois par année, par ville, tous les finalistes se rassemblent dans une espèce d'événement énorme. Ah oh, ouais! et on peut y aller même si on n'est pas juge officiel. C'est public tout ça. Et on a besoin des votes des gens pour le People's Choice Award. Tu manges de tout. De tout. Ensuite, le Whoopie Pie Festival de Strasbourg en Pennsylvanie. Si vous avez jamais essayé de Whoopie Pie, moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai déjà entendu parler. Mais ce que c'est une grosse couche de... Ah! Une grosse couche de... ce qu'on met un peu pour quand on fourre quelque chose, là. Hein, de la crème. De la garniture, ouais, c'est ça, crémeuse, qui est sandwichée entre deux mini gâteaux. Bref. Hein? Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Donc, à chaque année, au début du mois de septembre, Strasbourg, je ne sais pas si on l'appelle en français, Strasbourg en Pennsylvanie, d'après moi, c'est juste Strasbourg. Hein. Probablement. C'est un peu comme London en Ontario, tu dis pas Londres, tu dis London. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais bon, bref, Strasbourg, ou Strasbourg, qui accueille cette célébration de collation adorée par les Américains. En plus de 100 différentes saveurs de Whoopie Pie, il y a aussi une chasse au trésor et un jeu de dames qui est joué avec des genres de Whoopie Pie. Et les participants doivent manger les tartes donc capturées, tu sais, les dames tu piles par-dessus. Ah, ben oui! Fait que tu manges ces Whoopie Pie. Plus t'es bon, plus tu manges de Whoopie Pie. C'est encourageant. Mm. Ça donne envie d'être bon aux dames. Mais hein? Tu sais, même si j'ai toujours été bon aux dames ou autres commentaires super sexy. Macho, hein? Macho. National Fiery Foods and Barbecue Show de Albuquerque au Nouveau-Mexique. Albuquerque, comme certains pourraient dire. Donc, on va vraiment tester nos capacités à supporter la nourriture vraiment épicée. Hein? C'est donc, ça part mal. Ça part mal pour toi. C'est le plus gros festival dédié aux nourritures épicées dans le monde. Plus de 20 000 personnes se sont présentées à la 27e foire annuelle cette année. Où ils se sont fait présenter des centaines de sauces piquantes. Et puis, le plus récent gagnant des SCOVY Awards. Est-ce que tu connais les SCOVY Awards? Non. C'est des prix qui célèbrent l'échelle de Scoville, qui est l'échelle de piquantitude, de piquantaison. Oui, je connais l'échelle de... Donc, ouais. On remet des prix par rapport à cette échelle-là. Donc, c'est les prix des affaires qui sont les plus piquantes. À l'international, dans le monde entier, le produit le plus piquant. Et les gens ont pu le voir et y goûter à ce festival-là. Et mourir, probablement. C'est à Albuquerque. J'espère que les vaches ne tiennent pas trop loin pour avoir du lait frais. Ouais. Pour atténuer la piquantitude. Je sais pas si c'est du lait piquant, mettons, avec de la sauce piquante dans du lait, ça pourrait. Ça va faire cailler ton lait. Ça va faire cailler ton lait? Je sais pas. Je sais pas, parce que peut-être qu'un s'annule, peut-être que ça fait une combinaison bizarre, parce que tu sais, le lait calme. Ça doit être dégueulasse. Probablement. Mais si j'ai des idées de même dans la vie. Ouais, non, c'est bizarre. Deviens pas cuisinier. Non, jamais. Toujours dans la liste des festivals de culinaire, d'alimentaire, d'alimentation qu'on pourrait visiter dans le monde, ou en tout cas au moins aux États-Unis, c'est vraiment super américain comme palmarès. Le Butchirus. Ben oui, c'est un road trip. Américain. Ben c'est ça, tu vas pas aller en Europe là, sur un road trip, là, hein? Ben pas des États-Unis en tout cas. C'est ça, tu vas prendre les bulles à un moment donné rendu. En tout cas, le Butchirus Bratwurst Festival de Butchirus en Ohio. Là, je prononce le nom de la ville sans savoir du tout comment ça se prononce. Butchirus, B-U-C-Y-R-U-S. C'est une tradition annuelle à la troisième fin de semaine du mois d'août depuis 1968. C'est un événement sur trois jours. Il y a entre autres un concours, évidemment un concours de grands mangeurs, de saucisses, mais il y a aussi de la crème glacée et de la pizza à manger. Classique. Des classiques. En plus de toute la nourriture, il y a plusieurs spectacles de musique si vous avez envie de danser et après ça, de perdre votre repas. Parce que les saucisses, c'est lourd. La crème glacée, la pizza. Ouais, genre. Wellfleet Oyster Fest à Cape Cod dans le... Je crois que c'est dans le Maine, le Cape Cod Maine? M-A, ça doit être Maine. Ouais, mais il y a une différence entre Massachusetts puis ouais, c'est ça, il y en a comme plusieurs. Mais je pense que c'est au Maine. Pas sûr que Cape Cod est au Massachusetts. Non, ça a plus l'air d'être du Maine. Hein. Bref. À Cape Cod, on s'entend. Il y a plus que juste un seul festival de l'huître, hein? Mais attends. C'est ça, on a fait plus que... Je vais refaire ma phrase, ça va aller mieux. On ne fait pas que manger des huîtres dans ce festival de l'huître au mois d'octobre. Il y a pas mal d'autres choses à faire, plusieurs autres fruits de mer qui sont disponibles à être mangés, à être appréciés. On vous éduque, on vous informe sur ces fruits de mer aussi-là. Et puis, on participe peut-être au concours annuel Oyster Chuck-Off Competition. J'imagine que Chuck-Off, c'est où on enlève le truc de dans l'huître. J'imagine qu'on les aspire. Le truc dans... Ça doit être... L'huître en tant que telle, probablement? Non, mais ça doit être d'ouvrir l'huître. Ouvrir l'huître. Ça doit être des compétitions d'ouverture d'huître. Ah, peut-être. Ensuite, il nous en reste deux. Le Napa Truffle Festival de Napa en Californie. Quelque chose d'un petit peu plus classe que du bacon et des saucisses. On s'en va dans le nord de la Californie au mois de janvier. Mais il y avait les huîtres qui étaient quand même fancy. C'est quand même fancy, tu as bien raison. Donc, pour ce festival qui célèbre quelque chose de culinairement intéressant, mais plutôt rare. Donc, c'est des truffes. Il va y avoir des dîners et des soupers remplis de truffes. Okay. Il y a aussi des séminaires sur la science des truffes et même des excursions pour chasser et trouver votre propre champignon Voilà. Ça doit être très coûteux comme festival. Genre. Ça n'a juste pas de bon sens. En tout cas, mais ça a l'air le fun quand même. Et finalement, le Vermont Cheesemakers Festival de Shelburne dans le Vermont. Vermont qui a le plus de fabricants de fromage per capita. Hein? Et il le prouve en juillet lors de ce festival. C'est la sixième année maintenant. Il y a 40 compagnies de fromage locales qui sont disponibles pour qu'on échantillonne. Dans le fond, il y a des produits de démonstration à goûter. Les visiteurs peuvent apprendre à faire de la cuisine avec ce fromage-là et peuvent même fabriquer leur propre fromage maison. Ah, oh, c'est le fun ça! Ouais! C'était donc la liste des festivals de nourriture qu'on peut visiter aux États-Unis, selon encore une fois Mental Floss. Moi, je vais y aller pour le fromage. Oui. C'est pas loin en plus. C'est au Vermont. C'est vrai. Sinon, clairement, le festival du bacon qui m'intéressait le plus. Mais moi, je veux faire du fromage. Moi, je veux faire du fromage. Hey, mélange tous ces festivals-là ensemble. Fais un méga gros fromage, bacon, saucisse, fest. Patates, épices. Ah ouais. Ah ouais. Là, j'irai, c'est sûr. On va peut-être pas les huîtres dans le tas, par exemple. Non. On dirait que c'est le seul qui se mélange moins bien au reste. Je suis pas sur les huîtres. On dirait que je suis jamais certain si je vais être malade. On dirait que tout le monde, quand ils sont malades, c'est sur des huîtres. Il me semble dans la vie, non? Quoi? J'entends tout le temps du monde qui sont malades à cause des huîtres. Ben, mon Dieu, mange-en des fraîches? Ben, c'est ça. Faut se présenter dans un bon restaurant qui sert des huîtres fraîches. Ouais. Le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Dans quelques instants, ce sera la chronique où on répond aux questions de la vie de tous les jours, Steph. Oh, merci, enfin. J'ai tellement de questionnements. Là. Oui, mais tu vas pouvoir me poser toutes tes questions puis je vais te répondre là, comme si je connaissais les informations à l'avance puis qu'on me les fournissait. Génial. Alors, écoute, Oli Laroche, pour l'instant, OK? Voici Rupture. Comme une roche lancée dans une fenêtre, elle se séparait de son corps. Sur une tête, après une rupture crânienne. C'était rough. Hein? C'est un peu violent, je trouve. Hein? On aurait dû avoir un avertissement dans le coin de l'écran. Ouais, donc... Violence. C'est pour ça que ça veut dire quand tu regardes V et qu'il y a un V dans le coin, c'est violence, hein, je pense que c'est ça. Rupture, Dolly Laroche. Ah oui. Au retour, arrête avec tes questions. Mais commence avant d'arrêter. Oui, calme-toi. La chronique, elle sera pas bien longue. C'est dans deux instants. Deux doigts. Instants. Non, c'est deux instants, ma nouvelle phrase que je dis tout le temps. Deux doigts. Dans deux doigts. Deux doigts. Vous les mettez où vous voulez et on les enlève avant la fin de la pause. Malaise. Fou de culture. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, mais toi, Stéphanie, toi, là, personnellement, là, dans la vraie vie, là, derrière le personnage, derrière le mythe, personnage, derrière les cheveux, il y a une fille qui se pose des questions. Hein? Oui, tout le temps. Voici Arrête avec tes questions. Mais on peut pas tout savoir. C'est vrai. Donc, Stéphanie, la chronique Arrête avec tes questions, c'est un peu une série dérivée de C'est un fait où on se pose des questions à la place de juste se dire des affaires. OK, OK. On se pose des questions, mais c'est des questions, des vraies questions, qui sont posées par une vraie personne, en l'occurrence, toi. Oui. Ouais. Écoute, t'es-tu prêt? Je suis prêt pour la première. Mais je me demandais, Mathieu, ouais? C'est quoi la différence entre un orchestre, une symphonie, il y a un philharmonique. Ben voyons, je vais te répondre à ça. C'est moi, toute la même chose. Je me demandais la même affaire parce que je suis allé voir, en fait, semaine passée, le spectacle de Mister Valère. Par hasard. Avec l'orchestre métropolitain de Trois-Rivières. Hein? De Trois-Rivières de Montréal, évidemment pas. Montréal, clairement. et puis, je me suis posé la question. Donc, orchestre, symphonie, philharmonique, what the you know what? Hein? Tu te souviens peut-être à la petite école quand ton enseignante te dit que chaque carré est un rectangle, mais c'est pas chaque rectangle qui est un carré. Tu te rappelles de cette façon-là de voir les choses? Oui. C'est tout à fait vrai. Moi, ça m'a marqué, cette histoire-là. Et encore une fois, je l'utilise à bon escient, hein, dans la vie de tous les jours, cette comparaison-là. Donc, chaque symphonie est une orchestre, mais c'est pas chaque orchestre qui est une symphonie. Attends, va moins vite. On va recommencer. Chaque symphonie est une orchestre. OK, un donc l'orchestre, c'est plus général. C'est ça. Mais c'est pas chaque orchestre qui est une symphonie. OK. Et chaque philharmonique est une symphonie, mais c'est pas chaque symphonie qui est une philharmonique ou un philharmonique. Okay. Mais on va aller plus dans les détails pour vraiment comprendre vraiment qu'est-ce que c'est. Une orchestre, c'est un terme large qui décrit un ensemble avec beaucoup de cordes. Okay? Donc, il y a deux sortes d'orchestres. Les orchestres de chambre, ça c'est plus petit, et les orchestres symphoniques, donc ça c'est plus gros. Les orchestres de chambre, c'est environ 50 musiciens ou moins. Ah, c'est vrai que c'est petit. C'est très petit, ça va jouer que des cordes. OK. Comme le nom suggère, ils vont jouer de la musique de chambre. C'est des chansons plus vieilles qui étaient écrites pour les aristocrates, les trucs super glamour. Il y a des compositeurs contemporains encore aujourd'hui qui vont écrire de la musique de chambre, mais le style a eu son sommet, disons, a atteint son apogée au 17e et 18e siècle avec des gens comme Haydn, Mozart, Vivaldi. C'était eux qui étaient là à l'époque qui faisaient ça. De l'autre côté, un orchestre symphonique peut avoir plus de 100 musiciens, okay? Qui vont être divisés en cordes, les instruments à vent, les percussions, etc. Et comme le nom suggère, ils vont jouer des symphonies, c'est-à-dire des morceaux qui vont avoir besoin d'au moins 18 à 25 instruments. Par exemple, dans les années 1800, Beethoven, Brahms, Wagner, je pense qu'on dit Wagner, et autres. Intéressant, parce que moi, tous ces musiciens-là, c'était la même chose pour moi. C'est ça, mais non. Essentiellement, donc, si un orchestre est assez gros pour jouer une symphonie, ça devient un orchestre symphonique. C'est aussi simple. Logique. Un orchestre symphonique et un philharmonique sont, dans le fond, la même chose. La seule différenciation, c'est... en fait, c'est ça, c'est la même grandeur, ça joue le même genre de musique. Les deux termes existent pour différencier deux ensembles dans une ville où il y aurait plusieurs groupes. Ah. Exemple, mettons à New York, tu vas avoir le Brooklyn Philharmonic et le Brooklyn Symphony. C'est deux ensembles qui font pas mal la même chose, mais pour les différencier, un c'est la symphonie, symphonique, l'autre c'est philharmonique. Mais c'est la même chose. Exactement, la même affaire. Donc, orchestre symphonique, c'est un terme générique, alors qu'orchestre philharmonique, c'est toujours dans un nom propre. OK? OK. Il faut vraiment utiliser le nom complet de l'orchestre philharmonique de quelque chose. Ah. C'est un nom propre, alors qu'orchestre symphonique, c'est le terme plus générique. OK, donc quelque chose, en général, peut être symphonique, mais ne pourrait pas être philharmonique. C'est à moins qu'on ait défini que dans le nom que c'est philharmonique. C'était le nom, oui. Pour le différencier probablement d'un autre. Même si plus tard, le premier meurt et que le philharmonique reste, vu que tu as le nom maintenant, tu le gardes. Ben oui. On peut appeler n'importe quel philharmonique une symphonie, mais on peut pas appeler n'importe quel orchestre symphonique une philharmonique. Ah. Bon, un philharmonique. Hey, c'est difficile avec les masculins et féminins dans ces cas-là, mais on se comprend. Je pense qu'on a au moins un petit sens semblant de savoir de quoi qu'on parle maintenant. Ben oui. Je pense que c'est assez pour cette question-là. J'en aurais une autre, ça dérange-tu? Okay. Je t'en donne quatre autres. Okay. Non, vas-y avec une autre, pour commencer. Mais je voulais savoir, Mathieu, c'est qui le génie qui a inventé les brunchs? Les brunchs, c'est probablement la meilleure idée que personne n'a jamais eue dans vie, là. Mais là, clairement. Donc, la prochaine fois que tu vas savourer un brunch, tu vas pouvoir lever ton verre à Guy Berenger, qui est l'inspiration derrière ce brunch-là. Le gars de Berenger. Le gars de Berenger. Guy. Oui, Guy Berenger. OK, c'est comme Guy Fieri. Guy Fieri. I'm Guy Fieri. Avec sa grosse barbe et son espèce d'aspect de douchebag. Son look de douchebag. Non seulement on va remercier Guy Berenger, mais aussi le lendemain de veille. Le lendemain de veille est créateur à part entière du brunch. Donc, cet écrivain anglais, Guy Berenger, a donc proposé l'idée de mélanger deux repas en 1895 dans son texte « Brunch a plea ». Donc, brunch, un suppliage, si on veut. Donc, là-dedans, Berenger défendait ceux qui avaient de la misère à sortir de leur lendemain de veille du dimanche matin après avoir bu le samedi. Donc, à la place de sortir les gens du lit et de les confronter à de la viande super lourde, tu sais, des tartes à la viande comme on mangeait habituellement le dimanche matin au repas, Berenger a proposé un compromis de la mi-matinée, hein? Donc un repas hybride avec des petites pâtisseries qui pourraient mener plus tard vers des repas un petit peu plus lourds en après-midi. Berenger donc croyait que ses amis pourraient partager leurs histoires du soir d'avant en mangeant quelque chose de vraiment léger et en se remettant tous ensemble. Oui, des pâtisseries, c'est très léger. En se remettant de leur lendemain de veille. Les Américains, ça leur a pris pas mal de temps à adapter l'idée, parce que là, on se rappelle que le gars était britannique, hein? Ben oui. Donc, cette invention britannique-là a pris 30 ans avant de se rendre jusqu'aux États-Unis. 30 ans, c'est beaucoup. Ben, pas nécessairement. Non, peut-être pas que ce, dans le fond, pas vraiment, mais c'est... Ouais, il y a des modes qui vont plus vite que ça dans la vie, mettons. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais des modes qui restent... C'est ça. Et qui, je veux dire, sont imbattables et ça s'enlèvera jamais. Il n'y aura jamais pas de brunch dans la vie, j'espère, parce que sinon, je ne vais pas continuer de vivre. Hein? Donc, au départ, par contre, le mot brunch n'avait pas le monopole sur la description de ce repas-là. Ça pourrait te surprendre un peu. En 1896, le magazine anglais Punch avertit ses lecteurs, et je cite, « Le repas de combinaison, lorsqu'il est plus près de l'heure du déjeuner, s'appelle un brunch. Et lorsqu'il est plus près du dîner, ou du, dans le fond, ben, on va dire du dîner, parce que sinon ça devient confus avec les déjeuners plus déjeuner, mais on appelle ça un brunch. » C'est horrible. Un brunch. Ça... Come on! Non, c'est affreux, là, un brunch. Brunch, c'est parfait, mais un brunch. C'est horrible. Moi, je continue quand même de penser qu'il devrait y avoir un repas entre le dîner et le souper appelé un douper. Ça, je pense encore. Non? Non. Okay. Ensuite... C'est une collation. Une collation. Je vais te permettre une troisième question. Ah, super! Écoute, ça a peut-être l'air niaiseux, là, de même, là. Mais tu sais, les chiens guides, là... Ouais, mettons. C'est qui ramasse leur... comme leurs besoins. Genre, c'est un petit peu gênant. Qu'est-ce qui ramasse ça? Y a-tu comme une personne qui suit toujours en arrière du chien? Même les gens qui ont une bonne vision vont des fois ne pas remarquer qu'ils ont du besoin en dessous du pied. Mais après avoir pilé dessus, tu vas il me semble que ça sent drôle. T'sais. Donc, imagine de ne pas voir. Mais oui. Ben oui. Donc, pour commencer, il faut aussi ajouter le fait que c'est pas tout le monde qui est... même si t'es légalement aveugle, ça ne veut pas dire que tu vois rien. Il y en a qui vont avoir un peu de vision, ils sont pas capables de traverser des rues, ils sont pas capables de faire plusieurs choses, mais ils vont pouvoir remarquer que leur chien est en train de faire son besoin puis ramasser ça. Ça peut arriver. Par contre, le facteur le plus important, c'est que les chiens sont des professionnels. Les chiens ont reçu un entraînement. Hein? Donc, ils vont guider les personnes qui, dans le fond, dont ils prennent soin à travers leur environnement complexe, ce qui demande beaucoup d'entraînement et de l'entraînement, entre autres, de l'étiquette de la toilette. Ah. C'est entre autres ce qu'ils vont devoir suivre. Lorsque les chiens commencent leur entraînement en tant que petits chiots, on leur apprend à associer une commande verbale spécifique pour faire ses besoins, dans le fond. Donc, le chien va seulement faire ses besoins lorsqu'on lui dit de le faire. Hein? Oui, et ça va varier par rapport à leur entraîneur. Il y en a qui vont dire « busy, busy », OK? Comme dans la pub. Easy, busy. Fais tes affaires, do your business, ou encore go time, c'est le moment d'y aller. Et c'est comme ça que les chiens vont savoir quand faire leurs besoins. Ils sont aussi conditionnés à ne pas capoter lorsque quelqu'un les touche pendant qu'ils font leurs besoins, parce que leurs maîtres vont devoir toucher, vous allez voir tout à l'heure. Donc, les chiens qui vont prendre différentes positions, par exemple, par rapport à est-ce qu'ils font pipi ou est-ce qu'ils font caca, et en passant la main sur le dos du chien, le maître va pouvoir savoir ce que le chien est en train de faire. Si le dos du chien est plat, c'est qu'il est en train de faire pipi. Et d'ailleurs, ouais, les chiens guides mâles sont entraînés pour ne pas lever leurs pattes lorsqu'ils font pipi. Ils vont faire pipi de la même position que les femelles chiens. Que les chiennes, qu'on pourrait appeler. C'est ça. C'est comme ça qu'ils vont faire les mâles pour savoir s'ils ont besoin de nettoyer après. Hein? Ah. C'est cool, hein? Si le dos du chien est rond, ben, le maître va savoir que c'est le moment de nettoyer. Et en touchant un petit peu sur le dos du chien, ils vont pouvoir se rendre jusqu'à la queue et après ça, suivre le mouvement naturel et aller avec le sac prendre le besoin sans avoir à voir, bien sûr. C'est super intéressant. C'est simple, moi j'aime bien ça. Cette... Mais j'imagine qu'il faut pas que tu l'oublies ton pitou, hein? Parce que je veux dire, à un moment donné, il a envie, tu sais. Mm-hmm. Il attend. Ah, c'est ça. Et oui, la commande, il faut que tu te rappelles mais de lui c'est dire. Ça. Ouais, sinon il fait comme. J'imagine qu'on dit à peu près le nombre de fois qu'il faut que tu lui fasses faire. Ouais. Probablement. Ou peut-être, j'imagine, tu sais, même si c'est ça, le chien, dans le fond, est entraîné pour ne pas faire ses besoins n'importe où, mais j'imagine qu'il est aussi capable de signifier ses besoins. De te dire, oui, qu'il a envie. Un petit, probablement, probablement. J'ai pas faim. ça donne pas super faim, j'ai envie d'aller faire caca, mais on va revenir quand même à la nourriture avec ta prochaine question. Je pense si je te vois venir, parce que je suis quand même un petit peu... on a une symbiose. J'irai pas jusque-là. Je t'ai touché le dos, t'étais courbé. Okay, ouais. Non, on n'est pas dans le même sens. Vas-y. Je vais quand même te poser une question. Merci. Mathieu! Stéphanie! C'est quoi ça? J'ai entendu parler de ça. C'est quoi ça, un pimento? Ouais. Puis... comment qu'ils mettent ça dans les olives? Tu parles le petit morceau orange dans le milieu d'une olive. Oui, mais qu'il faut mettre ça là? Une très bonne question. C'est des pimentos. C'est quoi? Ben, pour commencer, tu as trouvé le bon nom. C'est un pimento. Des fois, on ne sait pas. On dit juste le petit morceau d'orange qui n'a pas rapport. D'orange qui n'a pas rapport. Les pimentos débutent leur vie en tant que petit poivron chili qui s'appelle un cherry pepper. OK? Donc, tout petit et rouge, d'où le nom, cerise, cherry pepper quand même. Donc, ils sont plus sucrés que les piments forts. Très, très doux, avec la plus petite cote sur l'échelle Scoville par rapport à tous les autres chilis. C'est le plus doux de tous les chilis. C'est chill, hein? L'utilisation principale du pimento dans la vie est comme garniture, que ce soit au centre d'une olive verte ou encore mélangée avec du fromage. Ça, j'avoue que j'ai pas goûté à ça et que ça a l'air fantastique. Probablement, oui. Bon. Donc, les olives vertes, d'ailleurs, qui sont cueillies directement dans les arbres, sont comme assez en... Ouais, c'est une plante? Dans les arbres. Non. Hein? Comment? Non, c'est... Sont-tu déjà marinés? Non, ça vient dans un pot, en fait. Faut que tu forces un peu. On dirait que c'est juste qu'il y a des fruits et des légumes. On a de la misère à imaginer de quoi ça a l'air dans la nature. C'est vrai. Ou une poule, même une poule dans le bois. Imagine ça, une poule dans le bois. Voyons, c'est tellement inoffensif. Ça vient dans un styrofoam, cette histoire. les olives vertes sont quand même assez amères. Et la saveur vient se calmer lorsqu'on ajoute quelque chose d'autre. Et aux États-Unis, le plus populaire de ces quelque chose-là, c'est un pimento. Jusqu'au début des années 1960, les pimentos étaient tranchés et ensuite fourrés dans les olives à la main. À la main, une par une. La compagnie Sadrim de Séville, en Espagne, a présenté pour la première fois une machine à fourrage d'olives en 1962. Et c'est le plus grand manufacturier de ces équipements-là encore aujourd'hui. En fait, la plupart des machines à pousser du pimento à l'intérieur d'une olive sont toujours fabriquées en Espagne, malgré le fait que la garniture préférée à mettre dans une olive en Espagne, c'est l'anchois. On met des anchois dans les olives. Ça c'est toute nouvelle information, j'aurais jamais pensé. La plupart des machines modernes vont utiliser un mélange de pimento, en purée, combiné avec une gélatine, et on va former de grandes feuilles. Donc de pimento, et on va ensuite faire des tranches là-dedans et on va envoyer ça dans la machine pour fourrer nos petits piments, nos petites olives. Voilà. J'imagine qu'ils sont des noyautés en même temps. Ben justement, la machine à fourrer, hein, qui est en passant précisément calibrée, va couper un bout, là où est le noyau dans l'olive, ils vont couper un bout et ils vont pousser le pimento dans l'olive en utilisant un punch en forme de X. T'as peut-être remarqué sur les olives que le dessous est en forme de X. Oui. Et c'est à cause de ça, c'est la machine qui est en forme de X. L'olive qui va être enlevée de son noyau va être envoyée à la prochaine station. Et là, une bande de pimento va être coupée. Et on va injecter ça dans la cavité qui a été créée par le punch. Fascinant. Cool, hein? Ouais. Quel travail fastidieux. Ouais, imagine, faire ça à main, je peux même pas croire que ça se faisait. Mais je sais pas, si t'achètes un pot d'olive avec un pot de piment, ouais, puis t'en prends un en même temps, ça serait moins compliqué. Un de chaque, ouais, pour vrai, parce que sinon, on se demande c'était quoi l'utilité. Mais c'est ça, c'est pour calmer le goût amer de l'olive à la base. C'est ce qu'on en comprend. Voilà. Je t'en permets une dernière parce que t'es sympathique. Oh, t'es fin! Je me demandais, là. Tu sais, là, à la date, on savait c'est quoi les olives, on apprend un peu ce qu'il y avait dedans, mais il y a quelque chose, on se demande, est-ce que ça existe? Parce qu'on s'imaginait les olives, ça pousse où, hein? Ça pousse où? Un poulet, ça pousse où? Ouais. Dans un an. Pas toutes les informations. Hein? Framboise bleue, là. Framboise bleue. What the heck, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait penser à ma mousse de micro, puis à la tienne. Ils sont bleus. C'est des grosses framboises. Ça vient de là, on sait pas. Donc, avec certaines exceptions particulières, par exemple les bleuets, hein, le maïs bleu, entre autres. Mais la couleur bleue, on va se dire, c'est assez rare. Il n'y a pas ça dans les plantes, il n'y a pas ça chez les animaux. Les scientifiques alimentaires, culinaires, ont toujours eu de la difficulté à trouver des sources naturelles de colorants bleus, colorants alimentaires, donc mangeables. Et pendant très longtemps, ils allaient teindre, en fait, même les nourritures, les nourritures qui étaient teintes bleues étaient difficiles à trouver et c'était très rare. Au milieu du 20e siècle, par contre, le popsicle a changé tout ça et ça a ouvert la porte à plusieurs collations bleues. Les pops, vraiment pas chers, tu sais, on les connaît tous, les pops cheapo qu'on retrouve dans les magasins, c'est fait à partir d'eau, de sirop de maïs et un petit peu de jus de fruits. Un minimum requis de jus de fruits. Et tout ça dans des tubes de plastique. C'est devenu donc des classiques chez les familles moyennes aux États-Unis dans les années 60 et 70. Ça venait dans une variété de saveurs et le nombre de fruits rouges des popsicles menait à de la confusion. T'avais évidemment cerise, t'avais fraise, t'avais framboise, melon d'eau, tout ça c'est rouge, qu'est-ce qu'on fait? Et il y en avait plusieurs dans le même emballage parce qu'on voulait varier et envoyer différentes saveurs dans le même emballage. Donc il fallait qu'on puisse les distinguer par leur couleur. Au départ, le problème a été résolu en faisant évidemment des rouges de la cerise et de la fraise, juste différentes teintes de rouge. Mm-hmm. Le melon d'eau, c'est là que c'est devenu rose, un petit peu plus pâle que ça devrait être dans la nature, parce qu'en tant que tel, le melon d'eau est quand même assez rouge aussi. Et les framboises, c'était un genre de rouge vin. Un petit peu plus foncé, même pas mal plus foncé. Ça, c'était pour la framboise. Bizarre, parce qu'aujourd'hui, framboise, il me semble que c'est un genre de rosé rouge un peu plus. Il me semble qu'il n'est pas super vin, il me semble. Ben oui. Un peu vin. Peut-être que ça dépend du produit. Donc, les scientifiques ont ensuite découvert que le colorant alimentaire... En fait, pas le colorant. Ouais, c'est, on va dire le colorant. Le moins cher et le plus disponible, le rouge profond, genre vraiment foncé, qu'on appelle Amaranth, c'est le E123 et FDC Red numéro 2, bien sûr, comme on les appelle communément. Ça provoquait des réactions sévères. Même qu'on a dit que c'était cancérigène, ça a été banni par la Food and Drug Administration. OK! Cette sorte de rouge très, très foncé, là. Donc, les compagnies de popsicle avaient accès à du colorant bleu. Mais il n'y avait pas de saveur qui en avait besoin. Il n'y avait pas de saveur qui demandait du bleu. Bleuet. C'est mauve? C'est... Non, c'est raisin mauve. Ouais, mauve, raisin. Mais j'avoue que des popsicles au bleuet, je n'ai pas vraiment tant vu que ça. Ben non. Même jamais, je pense. C'est donc bien mis de côté, le bleuet. Ouais, vraiment, les Saguenayens devraient s'outrer, sortir dans les rues. Donc, c'était une couleur qu'ils avaient jamais eu à utiliser. Donc, ils ont commencé à marier la saveur Rubus leucodermis, qu'on connaît sous le nom de White Bark Raspberry, ou maintenant qu'on appelle framboise bleue, ben, ils ont accouplé ça avec cette teinture, ce colorant alimentaire Brilliant Blue, qui est le FDNC Blue No. 1. La couleur de cette teinture-là était vraiment pas proche de la vraie couleur du fruit, mais c'est quand même résolu le problème d'avoir à trouver un colorant pour la framboise et utiliser une couleur dont on se servait pas. Et c'est même un des plus populaires aujourd'hui. Probablement, parce que c'est bon, c'est ça l'affaire. Moi, c'est le blanc. Oui, celui que je trouve goûte le crème soda, mais toi, t'aimes pas le crème soda, fait que ça goûte pas le crème soda. Ben, moi, je trouve pas que ça goûte ça. C'est ça, moi, je trouve que ça goûte pareil. Fait que ça dépend des langues. Un coup d'un. Ça dépend des langues, Ouais. Voilà pour arrête avec tes questions. Tes questions étaient vraiment très bonnes, Steph. Hey, mais je suis contente. T'avais des super de bonnes réponses. T'avais l'air prêt. J'avais vraiment l'air prêt. L'illusion est complétée. Ouais. Et on retrouve les liens vers les réponses que je fais juste régurgiter sur assemblagerequis.com. Non, mais je traduis et je coupe des bouts, là, hein, quand même. Ah ouais, c'est ça ma job de filtrage. Bon. Bref, les liens sur assemblagerequis.com. Il nous reste encore tout à l'heure deux autres chroniques. Il nous reste sa plus simple expression. Oui. Où on va parler d'expressions communes de la vie de tous les jours. Et ensuite, le prix. Que vous allez récolter à la fin pour avoir enduré tout ça, ce sera une grosse pointe en l'adresse. De quoi, ça reste à voir. Mais avant ça, on s'en va en musique. On s'en va entendre In Flight Safety avec leur extrait Animals. Tout de suite, à Assemblage. La pièce Animals par In-Flight Safety à Assemblage Requis. C'est le moment d'analyser un petit peu des expressions de la vie de tous les jours. Voici sa plus simple expression. C'est sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Ça, c'est moi. It's you.

Hein, ça en est-tu des affaires, ça? Je suis pleine, moi. C'est plein, plein. On fait une grosse pointe à l'adresse en fin d'émission les mardis à Assemblage requis. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui, par contre. Hein, déjà? Déjà, il est 9h35. 5 minutes de retard. Mais on est de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 avec une toute nouvelle émission. On sera mercredi, on va voir entre autres à la chronique Saint-Simon, ça devrait répondre là. Mm-hmm. On a aussi Marie-Laurence Audet et à la chronique de Stéphanie Paradis, Master Steph. Oui. Ça va être bon demain entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Bien sûr, le dîner de con s'en vient à 11h avec Monsieur Danny Janvier. Ensuite de ça, je vais être de retour, moi, avec le Mathieu Plante Show, avec Mathieu Plante. Ensuite, à 15h, c'est Rock Classique. À 19h, Réanimation. Et à 21h, Progression Chaotique, émission de métal progressif. À demain, Steph! À demain, Mathieu! Merci beaucoup, en plus. Ah, je sais, c'est tout aussi. Ben, de rien. condoléances. Et joyeux Noël, aussi. Ouais. Bon, c'est Valentin. C'est ça. Pâques. Ouais.